Faucon Millennial vous présente Faucon Review, l'émission sur les livres et les comics Star Wars. Préparez-vous une tisane, installez-vous confortablement. Bonne lecture. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et aux autres et bienvenue dans Faucon Review, l'émission dans laquelle le Faucon Millennial vous donne son avis sur les romans et comics Star Wars. Je suis Grushkov et je suis accompagné aujourd'hui de mon très cher camarade Adrien Dupatelin. Comment ça va ? Coucou tout le monde, bah écoute, ça va très bien. Et toi Grushkov, comment te portes-tu aujourd'hui ? Ça va. Relativement, ça va bien. Parfait. Et notre autre camarade Tuki, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas toi ? Très bien. Et le grand retour de notre cher Sandy Julien, traducteur notamment de La Lumière des Jedi, ainsi que du livre dont nous allons parler ce soir, L'Orage Gronde. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir et merci de me recevoir. Bah merci à toi d'être là. Ça nous avait fait trop plaisir la dernière fois et du coup... Voilà, on voulait absolument que tu reviennes. Est-ce qu'on peut dire qu'on est face au retour du Jedi ? Ouais, mais carrément. Allez. Je me sens tellement porté par la force jusqu'à vous. Ah, t'avais pas envie de venir, c'est la force qui a dû t'y forcer, c'est ça que... Non, c'est un vrai plaisir, c'est un vrai plaisir. La dernière fois, c'était tellement charmant que voilà, on prend des habitudes. Trop gentil. Aujourd'hui, du coup, nous vous parlons de L'Orage Gronde, écrit par Cavan Scott, second roman adulte de la première phase de la Haute République, faisant suite à La Lumière des Jedi, et sorti en version française le 27 janvier. Alors, du coup, la version française qui a été faite par notre invité, notre illustre invité, Sandy Julien. Ouais. Comment c'était de travailler sur celui-là après La Lumière des Jedi? C'était comment? Parce qu'en plus, t'étais plus en duo cette fois-ci, tu étais tout seul. J'étais tout seul, mais Lucille sert quand même de filet. Elle fait une relecture très très poussée en fait des romans. Donc voilà, pour s'assurer que tout soit cohérent, que ce soit très très harmonisé. Donc voilà, je savais quand même que j'avais la bienveillance de Lucille pour me soutenir, mais c'est difficile en fait de faire un premier roman d'une série parce que il y a des choses dont on n'est pas sûr, il y a des choses que les auteurs te dissimulent, et donc c'est difficile parfois de connaître leurs intentions, et c'est difficile aussi de faire la suite parce qu'il faut bien avoir conservé en tête tout ce qui s'est passé auparavant et conserver par exemple le ton des personnages, la façon dont ils s'expriment, leurs relations, etc., etc. Donc c'était s'y remettre au début, c'est un exercice qui est assez compliqué pour se mettre dans l'atmosphère. Mais une fois qu'on est parti, ça va tout seul, quoi. Donc là, ça a été. Alors c'est les montagnes russes, hein, parce que ce roman-là, il est costaud. Oui. il est un peu plus long que l'autre et il est plus dense, j'ai l'impression. Ouais. On avait fait une review sans spoiler avec Laïn la dernière fois, et donc cette fois-ci, on en profite que tu sois là pour y aller à fond. Et on va tout spoiler. Alors du coup, ouais. Faites attention, ceux qui ont écouté là, allez écouter notre, qui n'ont pas encore fini ou qui ont même pas commencé, vous pouvez aller à notre ancienne review. Et revenir ici après avoir complété, parce que là on va tout balancer, on va balancer la sauce tel Elzarman éméché. Oh là là, la réputation que tu fais à Elzarman, quoi, c'est terrible. C'est rigolo ça, parce que moi à la première, quand on avait fait la première review, je trouvais un peu lourdingue en fait avec le sexe, mais en vrai ça passe beaucoup mieux la deuxième fois, j'ai trouvé, parce que je l'ai relu récemment pour des raisons. Ouais. Il est. on en parlait un petit peu avant l'émission. Il y a une espèce de Elzar, il fait le grand écart entre l'immaturité totale et justement l'accession à la maturité avec un courage assez exemplaire. Moi je le trouve. Je m'identifie beaucoup à Elzarman dans son côté à la fois puéril et brave, quoi. Ouais. Et parce que c'est un tombeur aussi, hein. Voilà pourquoi aussi, hein. Tu peux le dire, hein, Sandy. Oui, voilà. Évidemment. C'est mon côté Latin lover. C'est ça. Mais oui, c'est ça. mais avant de parler de ça, je voulais vraiment spoiler à mort. Et on va parler tout de suite de la fin. Parce que c'est vraiment le truc qui te reste hein, quand tu lis le livre. Alors le gros cliffhanger du livre précédent, c'était le destin de Loden. Qu'est-ce qui va lui arriver maintenant qu'il est capturé, qu'il est captif de Markion Rowe, et que il y a ces espèces d'artefacts et tout. Et tout au long du livre, ça y va doucement, ça avance. On n'a pas trop de Loden jusqu'à de plus en plus à la fin. Il s'échappe enfin, il retrouve son fils, son padawan, et tout part en poussière. Ah bah c'est le cas de le dire. Voilà, c'est vraiment ouais, ça finit Dust in the Wind. Exactement. Et du coup, ça, par exemple, c'est un truc qui est très intéressant. Comment tu l'as? T'as appréhendé tout ce côté du leveler. D'ailleurs, il s'appelle en français? Parce qu'en fait, Ika lit la version française, mais Ika n'est pas avec nous ce soir. on l'a appelé l'égaliseur parce que voilà, il remet à plat en fait. C'est pas un choix très comment? Très très finaux ni très très astucieux quoi, c'était bon, on voulait vraiment coller au maximum à la VO parce que ouais. Quand on a lu ce roman, finalement on savait pas ce que c'était exactement que le l'égaliseur. Ah, oui. Et je dirais que pour avoir traduit le suivant, on a peut-être pas, alors on sait plein de choses hein, mais par exemple visuellement on a du mal à se représenter le truc quoi. Donc ouais, c'était ça, compliqué. Hein. Mais la fin, ça a été les montagnes russes et ouais, la réapparition de Loden pour ce qui lui arrive à la fin, ouais, j'ai trouvé ça dégueulasse. Bande d'enfoirés, ils ont tué Loden. Surtout devant Belle, quoi. Ouais, vraiment, c'est manière sale ouais. En plus. Hein. Ouais. Ouais. Et après Belle, il traîne ce traumatisme, c'est affreux. Ah ouais, vraiment pauvre petit père. Il finit le livre en boule. Ah ouais. Limite en PLS. Non, ouais, d'ailleurs, ça, dans ouais, la version du comic, il est littéralement en PLS dans Trail of Shadows, la première page. Il est en position fatale. Tu vois Belle en PLS. C'est ouais, terrible. C'est terrible. Mais bon, c'est ce qui forme le personnage parce qu'on justement il y a ce côté attachement au maître qui est très très bien montré dans le précédent. Et puis là, d'un seul coup, il faut qu'il vole de ses propres ailes. Et dans ce bouquin-là, je trouve que Belle il devient vraiment un personnage, un vrai Jedi quoi. Ah ouais. Bah oui, de toute manière. C'est qu'il soit toujours un Padawan à la fin du livre parce qu'il est il est largement un chevalier. Oui. C'est lui-même qui s'accroche encore, qui justement parce que son maître est toujours disparu c'est tout du long. C'est encore le thème de la comment de la maturité. C'est ça, j'allais dire. Ouais, c'est un livre sur la maturité, hein, littéralement. Complètement. Et la maturité aussi de la République elle-même, hein, parce que oui, bien sûr. Alors je pestais d'un bout à l'autre du bouquin contre l'Inasso pour cette fameuse foire de la République en disant mais c'est pas possible quoi de s'imaginer qu'il va rien se passer pendant cet événement là quoi. Enfin voilà, il y a une puérilité aussi. Alors l'Inasso, c'est pas mon personnage préféré de très très très très loin. Moi j'aime bien. J'ai énormément de mal avec les politiciens en général, y compris les politiciens de fiction. Et je trouve que l'Inasso, qui est pourtant présenté et qui dans ce roman-là a un rôle qui est assez actif et qui est positif quoi. Moi j'ai beaucoup de mal avec elle. J'ai beaucoup de mal avec les grandes œuvres, avec le côté on va faire un projet fédérateur. En faire quelque chose d'énorme et finalement en fait elle se rend pas compte mais tout est en train de régulièrement lui claquer entre les doigts quoi. Et ouais, en plus c'est un peu de la poudre aux yeux plutôt que de s'occuper des vrais problèmes de là où elle vient de tout son les mondes du centre et de la Midrim, elle s'occupe, elle fait son truc expansionniste qui finit mal à chaque fois pour l'instant. C'est ça, et on la voit jamais autrement que dans le que dans l'image en fait. Et je trouve mm-hmm. c'est alors c'est peut-être un peu aussi la façon dont le personnage est présenté, mais heureusement dans ce roman-là on la voit un petit peu dans l'action. Elle fait des choses qui sont assez héroïques finalement. Mais ouais le personnage moi me déplaît pas mal quand même. C'est loin d'être mon préféré. Moi j'aime bien des gros lions avec elle. Pardon le... Oui, c'est vrai que Adrien, il a appelé son chien. C'est mon chat. Non, son chat Matari, donc il est biaisé. Mais je comprends. Moi j'aime bien alors c'est une de ses vertus rédemptrices à Lina, c'est qu'elle aime les bêtes et elle a deux bah ouais. Voilà. Donc les deux targons ça la sauve à mes yeux. Mais bon là j'avoue que dans les deux derniers romans là donc l'orage gronde et puis le suivant ouais elle a quand même dégringolé dans mon estime. Oui, c'est vrai, mais je pense que j'ai un peu l'impression aussi que c'est fait exprès parce que oui, c'est la chute, hein, le début de la chute de la République. Ouais, c'était trop beau. Quand ils l'ont vendu en mode c'est le pic, là où ils sont mieux, la République et les Jedi, mais en fait c'est les 30 premières pages de la lumière des Jedi, et puis après à partir de là, ça ne fait que tomber. Bah ouais, l'un après l'autre. Et il y a cette peut-être que c'est un présage aussi de l'orgueil de l'ordre Jedi quelques siècles plus tard quoi. Mais Moi je pense sincèrement que en fait on nous a tous vendu en mode genre ouais tout la Haute République c'est le moment où la République est tu sais belle grande avant le déclin des Jedi, mais moi je pense sincèrement qu'on est au début du déclin des Jedi parce que justement et de la République. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, on est vraiment au moment où rien ne va. Ils ont beau faire des choses qui sont sur le papier et pas trop mal, il y a quand même une vertu presque un colonialisme de la part du centre et de la galaxie. De la République. Il y a vraiment un truc qui tu vois qui tu te rends compte en fait que c'est pas si beau. Tu vois les Jedi à l'époque déjà et la République pareil quoi. Mm-hmm. Et justement, je trouve que le cast, encore une fois, et des Jedi qui sont présents, et ils représentent très bien toutes les facettes en fait de cette époque-là, de cette période, de ce qui va et de ce qui va pas entre évidemment Belle, lui qui va être la nouvelle génération, qui est vraiment pleine de doutes et qui c'est vraiment pas vers où il se dirige et c'est le chaos partout. Tai qui est quelqu'un qui est un peu extérieur à tout ça et qui sait pas trop quoi faire de sa qu'est-ce que je l'aime de ses pouvoirs enfin de tout ça. Stellan qui est très dans l'ordre à ce moment-là et c'est le golden boy un peu de l'ordre Jedi qui a toute cette pression sur les épaules parce qu'il doit montrer que on est quand même les good guys et tout et tout ce qui se passe dans le livre montre qu'en fait c'est quand même un peu eux qui font le bazar hein, c'est eux qui amènent le bazar dans ce côté-là de la galaxie. Et voilà, là on va pouvoir vraiment en parler, il y a Elzar qui propose une alternative un peu à tout, qui lui non plus n'aime pas trop les politiciens et qui fait vraiment les choses à sa manière. C'est un peu chaotique, mais en même temps, est-ce que c'est pas son exemple à lui qui ferait mieux de suivre, c'est-à-dire moins rester dans des carcans et essayer de préserver les bonnes choses et d'apporter de la lumière de manière concrète autour de soi. Parce qu'au final, ce qu'il fait avec Tai, c'est beaucoup plus important ce que font la plupart des Jedi. Parce que les autres Jedi, ils sauvent des gens, mais lui, il a un impact réel sur une autre personne qui va changer sa façon de voir le monde et la galaxie grâce à lui. Ouais, il y a cet aspect-là, et puis on en parlait tout à l'heure un petit peu avant l'émission. Je trouve que Elzar est le seul à être lucide vis-à-vis de ses défauts. C'est-à-dire que il est pas aveuglé ni par le dogme ni par ses pouvoirs ni par quoi que ce soit. Il est pleinement conscient en fait de ses défauts ou du moins il ne se les cache pas. Alors que l'Inaso fait par exemple délibérément, elle se voile la face, je pense, en se disant ouais, on va faire cette foire de la République et tout va bien se passer quoi. Et c'est un peu la même chose pour tous les Jedi qui vont en mode il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant. Voilà. Et c'est assez décevant de voir à quel point ils se mettent des œillères quoi. Stellan, il a beaucoup ce côté il se fout en danger vraiment tout seul. Surtout pendant ce qui se passe sur Valo, parce que il est tellement à fond dans son truc de bon, il faut vraiment que j'essaye d'être diplomatique et de vraiment essayer de les faire survivre et pas de les tuer, que il y a plusieurs fois il meurt presque parce que lui il essaye de faire un minimum de dégâts alors qu'en face il a un groupe de personnes qui eux justement leur but c'est de faire un maximum de dégâts. Et donc ouais, il se rend, je sais pas s'il se rend pas compte ou s'il se voile la face ou quoi que ce soit, mais il a beaucoup ouais ce côté de je pense qu'il a des choses à prouver finalement Stellan, et que qu'il a donc le dogme Jedi à respecter. Je pense qu'il a des choses à prouver et qu'effectivement tu as raison, il se met peut-être délibérément en danger en se disant c'est comme ça qu'il faut que je fasse, et je le trouve parfois un peu mélo quoi, et ça s'atténue dans le roman suivant, mais dans celui-là c'est un instrument, il est vraiment instrumentalisé par l'ordre Jedi et par la République. Ouais, il est dans une position inconfortable, quoi, parce qu'il voulait pas être à ce poste-là. Et du coup, en fait, j'ai l'impression qu'il est un peu plus jeune que les autres membres du Conseil Jedi, donc il est dans cette position où il représente un peu sa génération, et où tout le monde attend de lui qu'il soit exemplaire, et du coup, il se force à l'être, même quand il y a personne pour être témoin de ça, et du coup, il se met ultra en danger... Parce qu'il essaye absolument de respecter tout le truc Jedi, parce que il dit on m'a mis au conseil, alors il faut vraiment que je respecte à fond le truc. Ouais, il a effectivement cet aspect-là du type qui en fait un petit peu trop et qui prend. Alors moi je le vois surtout parce que je sors de la traduction du suivant et je trouve que c'est le type qui prend pas le temps de souffler et de voir ce qui se passe. De voir ce qui lui arrive à lui et ce que Elzar Mann lui a réalisé, parce que Elzar il a eu un parcours qui est beaucoup plus chaotique, beaucoup plus humain quelque part, et donc il a eu le temps de se casser la figure. Et je pense que Stellan lui il a passé sa vie à grimper et voilà, encore une fois c'est il y a un moment on s'arrête de grimper parce qu'on arrive au bout, donc qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on reste en haut ou est-ce qu'on se casse la gueule de l'autre côté. En plus, c'est même pas volontairement, parce que il voulait vraiment pas être reconnu à ce point-là. Il voulait juste être avec son pote, faire le taf. Mais complètement. Et il se retrouve dans des positions parce que tout le monde le voit en grande estime. Et je pense qu'il se force à essayer de tout le truc où il se fout en danger à cause de vouloir respecter à fond le code, c'est aussi parce que je pense qu'il doit avoir un peu un syndrome d'imposteur, parce qu'il le dit lui-même que déjà il a réussi ses épreuves de maître parce que Elzar l'a aidé à tricher. Donc il doit avoir tout ce truc d'imposteur de « ouais, mais en fait, tout le monde me voit plus grand Jedi que je ne suis », et du coup, je pense qu'il essaie de se foutre des standards qui sont beaucoup trop... qui sont pas forcément adaptés à la situation. Il fait pas par situation, il fait par il faut absolument que je sois toujours au best. Ils sont quand même tous très mal dans leur peau. Hein. C'est Jedi. Oui, évidemment. Bah oui, parce que il y a un truc qui va pas. On a vu en fait dans le premier bouquin on voit leur profil Facebook, et puis et dans le deuxième on les voit en vrai, donc c'est forcément très très différent quoi. Ouais, c'est ça. Hein. Sauf Porter ça va, il fait du surf, il est content. Voilà. Il est incroyable. Mais parce que lui, il était déjà en train de faire la tronche dans celui d'avant. Ouais, c'est ça. Il a déjà eu tous ses traumas dans la phase 2, en fait. Hein. C'est ça. On va voir tous ses traumas. Venir, voilà. On va le voir différemment, là. Mais lui, il a déjà... est déjà vieux et aigri. Et du coup, il peut profiter beaucoup mieux de la vie et chanter la musique de la foire et tout. Ouais, il est complètement détaché. Ouais. Il est détaché, lui. Je pense qu'il a passé le cap. Prouver, ouais. Lui, hein. Il a plus rien à prouver. Il est à la retraite. Il fait ce qu'il veut. C'est ça. Il vient aider les poteaux quand il s'ennuie. J'aime beaucoup ce personnage. Ouais, il est bon, lui. Il est très, très bon. Il y a plusieurs personnages qui se distinguent. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi Orbaline. Oh là là, incroyable. Qui est fabuleux. Il m'a beaucoup, beaucoup fait rire. Et c'était un plaisir de traduire les moments. J'attendais avec impatience, tu vois, les chapitres et les passages où Orbaline intervenait. Mais il y a tellement de choses à dire. Il te le présente comme le mec chiant, ultra à ouais. fond sur ses archives. Et puis après, tu vois qu'en fait, le mec, c'est quand même pas la moitié d'un con, tu vois. Ah ouais, il a vraiment la classe, Orbaline. Je suis fan. Le duo avec Ryu Daero, ça marche trop bien. Ouais. Ouais. Mais enfin, quand ils sont dans la tour, là, c'est génial. Enfin, c'est la tour, je sais plus à quel endroit où ils... C'est la tour de communication, ouais, je crois. Enfin, c'est une... C'est ça, ouais. Et Ryu Daero aussi, c'était très sympa d'avoir, et c'est très futé de faire intervenir un membre de la presse pour jeter un regard un petit peu critique sur les Jedi, justement. Ouais. C'était vraiment sympa. D'autant que le personnage, il est pas plat non plus, elle a vraiment de la personnalité, quoi. J'ai beaucoup aimé. J'adore sa backstory. Ouais, c'est la chouchou de la chancelière parce qu'un jour, elle a envoyé chier un vieux capitaliste de merde sur une planète. C'est ça. C'est ça. En plus, c'est une cyborg, donc c'est stylé. Ouais. C'est... Oui, c'est vrai. Elle est vraiment très sympa avec son petit robot relié par interface neuronale. Ouais. C'est génial, ça. C'est très fun, ça. C'est le petit détail qui fait plaisir. Mais y a le livre foisonne de personnages secondaires hyper intéressants. Et super bien écrit. On a évoqué Orbaline, on parle de Ryu Daero, on a aussi le fils de Linasso. Kipso. Les gays, oui. Kipso. Pardon. Non, vas-y, excuse-moi, Tuki. Non, fini. Non, juste, c'est cool en plus d'avoir un peu de représentation parce que c'est un gosse qui a priori est gay et c'est cool parce que moi, quand il y a de la représentation toujours dans Star Wars, c'est trop bien, donc ça fait du bien. C'est bien quand Star Wars il est vraiment pour tout le monde et tout. Ouais, monde c'est ça, tu vois, c'est ça. Complètement. Et c'est fait de façon très, je trouve très, très subtile, quoi. Il y a pas de, on sent pas le forcing derrière. C'est vraiment, voilà. Non, c'est bien intégré à l'histoire, c'est vraiment, ça vient naturellement, tu vois. Tous ces éléments-là, c'est écrit de façon fluide, naturelle, et du coup, ça sort pas de l'histoire, c'est vraiment. Ouais, et puis là, son story arc avec sa petite romance, là, j'ai trouvé ça super mignon, mais quoi. Oui, c'est génial que les personnages queer aient vraiment. C'est pas juste des personnages queer, tu vois, ils ont une histoire et ils sont pas définis par le fait qu'ils sont queer, c'est juste un truc en plus, un petit bonus en plus. et c'est ça, tu vois, je disais, je parlais des personnages secondaires, mais il y a Kit Repso, mais il y a aussi. Il y a aussi Eudidis du côté des Nine que j'ai beaucoup aimé. Oui. Oiseau géant. Oui. Merveilleux. Oui, oui. Le mec, il est là, il représente tous les fans qui sont en train de simp sur. Ouais, c'est ça. Hein. Sur Marquette, c'est merveilleux. Il est en train de se faire écraser. Oui, ah oui, c'était pas mis à dire. Ah, mais je suis désolé, hein, mais vraiment, Mark Enroe. Il va vraiment falloir qu'on parle de son sex appeal incroyable. C'est clairement. Ouais. Clairement. Mais il fait même pas exprès, c'est ça qui est complètement ouf. Mais qu'il est juste là et t'es genre. c'est la canicule d'un coup, non? C'est ça. Mais ça me fume de voir des montages sur Twitter, sur TikTok, de fans de Mark Enroe qui vous savez, il y a une couverture de comics de Mark Enroe qui a une chaîne au bout de la main. Ouais. Et des gens, j'ai vu des TikTok où t'avais des fans qui s'est mis une chaîne autour du cou et qui étaient là à côté. Mark Enroe et tout. Ça me fumait de rire. C'est merveilleux. Il me fait trop rire en plus parce que On comparait au fait que, enfin la dernière fois on disait ce qui est bien c'est qu'il ressemble vraiment pas aux autres, c'est pas un throne beast, c'est pas encore un empereur, c'est pas un Dark Vador ou un Kylo Ren, il ressemble pas du tout aux gros méchants qu'on a vu avant, et il fait n'importe quoi et ça marche. Et je trouve ça extraordinaire, genre c'est le personnage, il a un but, il a pas de plan mais il a un but. Et il va faire n'importe quoi pour l'atteindre et Moi je trouve qu'il a et ça marche. Il a de la ressource et puis il a une paire de bollocks à la taille de l'étoile noire quoi, il faut reconnaître. Mais c'est ça. Il a des plans, tu vois, à court terme, tu vois. Genre OK, là je vais faire ça, mais il a pas un énorme plan avec plein d'étapes, c'est genre c'est sur le moment, il fait ouais, ça stratégiquement c'est bien, ça va bien foutre la merde. Ouais, et puis sa façon de gérer aussi ses sbires, je trouve que c'est très très bien quoi. Donc on voit qu'il est toujours il oscille sur le fil du rasoir, c'est-à-dire qu'il faudrait pas grand-chose pour que tout se casse la figure et à chaque fois il réussit à rattraper le coup quoi. Et s'il c'est incroyable. Il est admirable pour ça, ce salopard. Le mec, c'est un roi l'impro, tu vois. C'est genre, tout le monde essaye de me tuer. Ah, je vais les bullshiter, ils sont tellement cons, je vais leur faire un discours avec deux, trois mots-clés, ça va passer nickel. Fois, ça marche, à chaque fois, ils sont genre, ouais. Et lui, il est, quelle bande de bouffons, putain. J'aime beaucoup les passages, justement, où il est avec, avec Pan Eita et avec, Laurent Nadi. Bien sûr. Que j'aime beaucoup aussi parce qu'ils sont merveilleux tous les deux. Et les passages où ils sont tous les trois, je trouve que c'est mes préférés, quoi. Je crois que c'est mes passages de Mark Enroe, favoris, en fait. Ouais, c'est clair. De toute la série. Les descriptions sont incroyables, genre quand il arrive dans la pièce, tu sais que t'as tout le monde qui devient silencieux, et le mec il file son casque à l'autre, et l'autre il le prend, tu sais, en mode... D'accord, ouais. Et après le gars il l'utilise pour l'électrocuter, genre quel power move, c'est merveilleux, c'est incroyable. Voilà, c'est vraiment un méchant de James Bond, moi je trouve. Mark Enroe, il a vraiment ce côté, ce mélange de charme, puis il est infect quoi, c'est la pire des pourritures. Ah ouais, vraiment. Mais il est, ça passe très très bien, il fait tellement de trucs marrants que voilà, il est agréable. Ce qui me fait rire, c'est que on voit quand même que Lorna, elle plaisante pas quand elle va faire la baston. Bon bah elle arrive à battre un Jedi, un des Jedi du conseil, hein. Ouais. Elle arrive à le battre, elle tue presque elle tue presque l'Inasso en solo. Et la reine des Togrutans, hein, Et pourtant, voilà, elle laisse Markion faire son truc, mais si elle voulait, elle pourrait totalement faire son truc. Le truc, c'est que, comme elle n'a pas d'intérêt à le faire, pour l'instant... Et le truc, c'est qu'elle a un peu peur de lui aussi, hein. Elle a un peu ce truc de, ouais, ça a l'air facile, mais je suis sûre qu'il a un truc caché. Ça se retournerait contre moi. Ouais, c'est ça, parce que regarde, elle le voit bien quand il sort son petit couteau de sous sa manche, là, contre... Enfin, dans sa seringue, encore pire, sa seringue de sous sa manche, là, contre Panetta, et qu'elle est genre, évidemment qu'il a ça dans sa manche. Moi j'aime bien Lornadi parce qu'elle est alors les Twi'leks, c'est une grande histoire de Star Wars, les Twi'leks hyper sexualisés de Star Wars, et Lornadi c'est le stéréotype inverse, c'est une grosse brute quoi. Et j'adore son côté brutasse quoi. C'est l'élégance de la violence quoi. J'aime beaucoup. On sait que elle est pas du genre à cacher la petite seringue dans sa manche quoi. Elle va y aller avec le marteau de guerre, avec le chef de force et tout quoi. J'aime beaucoup ça. Ouais. Et elle se taille les dents parce que pourquoi pas. Mais oui. C'est génial. C'est vraiment très bien. Et c'est un des gros atouts du livre, je trouve, les personnages. Le développement des personnages, les descriptions de personnages, la façon dont leurs personnalités sont exploitées et utilisées dans l'histoire. Je le trouve incroyable à ce niveau-là, le livre. Franchement, j'étais super accrochée parce que j'aime vraiment les histoires avec des personnages qui sont vraiment complexes, qui ont vraiment... Que tu arrives à voir galérer ou à voir être heureux. Enfin, tu sais... qui font vrai quoi, qui ont plusieurs couches. Ouais, comme un oignon. Comme Shrek. Ouais, c'est ça. et vraiment, le livre réussit à fond avec ça. Tous les personnages sont intéressants. Il n'y en a pas un seul où tu te dis, oh, c'est sur lui. Pff, vivement le chapitre suivant. Et à chaque chapitre, tu fais, ah, on passe à eux. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire encore? Mais complètement. Ouais, il y a ce. Même les personnages. Le sénateur Celestéen, ouais, aussi, comment il s'appelle, Tiatoun. Ah oui. Ah, j'ai vu son nom hier. Oui, voilà. Alors, lui aussi, je le surkiffe. J'aime beaucoup le fait qu'il soit présenté comme un salopard. À la fin, ouais, il est là. Et ça reste un salopard, mais c'est un salopard qui est entièrement dévoué, effectivement, à la République. Ouais. Et qui est complètement honorable, quoi. Et pour le coup, j'ai plus d'admiration pour lui que pour l'Inasso, quelque part. Parce que je le trouve, il m'a épaté, quoi. C'est le personnage dont on s'attend à ce qu'il soit justement un personnage à un seul niveau, et puis d'un seul coup, paf, à la fin, il te retourne en balançant quelque chose qui est tout à fait honorable et tout à fait positif, quoi. Ils te font un truc où ils te font croire qu'il va trahir et tout. En fait, tu te rends compte que non, pas du tout. Le mec, il essaye juste de trouver une façon efficace de protéger la République et tout. C'est ça. Comment il est outré quand il découvre l'arme de l'autre là, qui désactive les sabres laser. Je lui attendais tellement pas. Oui. Qu'est-ce que c'est que vous êtes complètement folle. Vous allez me détruire ça tout de suite. C'était très bien limite, vu. Il le casse pas lui-même avec son petit marteau, sais. Ouais, moi je me disais, est-ce qu'il est en train de fake? Est-ce qu'il est en train de faire genre parce qu'elle est Jedi? Mais en fait, non, il est sincère, le gars. Il veut juste protéger la République, c'est tout. Ah, il est très très bon, lui. Moi, ça fait partie des personnages que j'ai bien aimé. C'est exactement ce que tu disais, Tuki. Il y a une foule de tout petits personnages, même l'assistante Samera Raoum. Moi, je l'ai beaucoup apprécié parce que j'ai beaucoup apprécié sa réaction vis-à-vis d'Elzarman. Comment elle l'envoie chier, mais magistralement. J'ai trouvé ça splendide. Le lendemain, genre. Oui. Ben non, de toute façon, vous êtes un Jedi et moi, je suis moi. Le gars, il est genre, oh. Ah bon, d'accord. Elle est incroyable parce qu'elle est tellement dévouée à son travail, genre, ok, je veux bien faire des plans cul et tout, mais demain, à 6h pétante, je serai au taf. Hein. Ouais. Et fraîche. Ouais. Non mais c'est ça, il y a pas de voilà, c'est encore une fois, c'est un personnage à plusieurs niveaux parce que elle est pas là pour être simplement le plan cul d'Elzarman, et j'ai trouvé ça merveilleux, quoi. Et j'ai pu placer des répliques super cool vis-à-vis d'Elzarman, notamment quand c'est Taïori qui lui dit eh ben mon cochon. J'étais sûr que ça allait pas passer, ça. Eh ben, c'est passé quand même, et je suis fier de moi. Trop bien. En anglais, je crois qu'elle lui dit you dog. Ah, elle lui dit dirty dog. C'est ça. Elle est géniale, cette réplique. Oui, oui. Il va falloir qu'on parle de taille, hein. Oui. Ouais. Parce que la lesbienne. Et c'est sûrement un de mes 5 personnages préférés de toute la Haute République. Elle est très très forte. Il y a pas tant de contenu que ça, en plus, je trouve ça ouf. Non, mais le contenu, quand elle a été introduite, j'ai cru qu'elle allait être partout après, tu vois. Pas vraiment. Le peu qu'on la voit dans ce livre-là, elle est quand même super intéressante, t'en apprends plein, alors qu'elle parle pas beaucoup et tout, c'est vraiment. Elle cache énormément de choses aussi. Ouais. Mais moi, elle est... ce qui me fume, c'est... Excuse-moi, vas-y. Elle est que... Je voulais juste savoir, parce que j'ai pas suivi tous les comics. Elle est que dans ce roman-là, et dans... c'est The Monster of Temple Peak, ou quelque chose comme ça, c'est non ça. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Ça. Elle est nulle part, sinon. D'accord. Ouais. Je suis mais elle reviendra. Et pourtant, elle reviendra cool. À la fin de Monster of Temple Peak. Elle dit que... Enfin, il y a un carton qui dit que... Taïurik will come back, ou un truc comme ça. Ok, cool. S'il vous plaît, parce que. Donc, elle sont dans la phase 3. Elle me manque. Hein. Je trouve que elle et Elzar, c'est vraiment un duo incroyable parce que, genre, le gars, il a vraiment besoin de quelqu'un pour le guider. Et elle est genre, non, je veux voir personne. Moi, je veux être asociale. Et puis elle est, bon, quand même, je vais pas le laisser. On dirait un petit chiot, là. Mais c'est tout le temps ça avec elle, hein. Tout le monde, parce qu'en fait, genre, oui, soyez honnête, hein, genre. C'est littéralement, je pense, hein, dans le moment de la Haute République, c'est littéralement l'épéiste la plus forte. je pense. Mais t'as vu comment elle est contre les autres, là? Non, mais elle les défonce, genre. Elle a presque buté Elzar. Ouais, c'est ça, en fait. Genre, elle, à côté, contre Stella et Elzar, elle les bat, en fait. Oui. Deux contre un, quoi. Donc, c'est... Mais bien souvent, je trouve que dans les romans de la Haute République, les prouesses de bretteurs des Jedi sont tournées en ridicule, parce qu'on les voit justement s'entraîner en faisant un peu des ronds de jambes, en faisant à celui qui fait les plus belles prouesses et tout. Et je trouve ça assez marrant parce que finalement le sabre laser est un peu tourné en ridicule dans pas mal de trucs, y compris avec cette fameuse arme qui les neutralise complètement et ça les prive de leur arme emblématique, mais en même temps tu vois ça les ramène à un niveau humain, quoi. C'est peut-être une façon de dire bon les pouvoirs c'est quelque chose, mais il y a autre chose dans les Jedi, c'est pas simplement la force, c'est pas simplement les sabres laser, c'est aussi une philosophie, une idéologie qui finalement qui tient debout, quoi. C'est assez marrant, ça. Mais ils sont pas sortis de l'auberge. Vas-y, Adrien. Ah, non, je dis que Tai, elle était vraiment incroyable. C'est pareil, le fait qu'elle ait une espèce de maturité, elle aussi, hein, qui a quitté l'ordre, qui veut pas du tout être appelée Jedi, qui déteste les Jedi, hein, littéralement. Bah, tu vois, elle en vient à coopérer avec un Jedi, avec plusieurs même d'entre eux, parce que quand on lit les romans jeunesse, on se rend compte qu'elle croise aussi la route de Ram. Et on lit aussi un peu dans ce livre, il me semble, on voit Ram dans. Oui, dans ce bouquin. Dans la prison. C'est ça, dans la prison. Et voilà, c'est un personnage qui fonctionne à merveille, qui est super attachant. Je pense que c'est sûrement le personnage de la Haute République que je veux le plus voir dans un live action. J'avoue. Tu sais, tu fais une série, à la Xena, Witcher. Hein. Witcher. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, c'est juste elle qui va se battre contre des créatures à travers la galaxie. Voilà. En petite exclusivité, hein, je vous annonce mon fancast pour Tai. Moi, je veux Danae Gurira pour la jouer parce que vraiment. Ah, elle marcherait bien. Ah, mais franchement, j'ai l'impression que le rôle était fait pour elle, quoi. C'est terrible. C'est clair. Moi, j'adore le truc de. Elle essaye de faire genre, elle est trop badass, tu vois. Mais oui. Oh là là, j'ai pas d'émotion, je suis pas sensible et tout, mais elle est littéralement en train de jeter des cailloux pour c'est genre pile ou face pour savoir si elle doit aider les gens, parce que sinon elle aiderait tout le monde. Mais oui, c'est ça. Elle a un côté trop. Même ésotérique, chelou, tu vois. C'est pas la force, c'est pas. Tu vois, c'est vraiment, elle a un côté, elle se détache de son environnement, et il y a un côté vraiment magique et mystique avec elle que moi, je trouve, enfin, fou, quoi. Vraiment, ça marche trop bien. Et toi, voilà. Qu'est-ce que tu en as pensé de Tai, Sandy ? Moi, j'aime bien les personnages... Les personnages justement qui font un petit peu bande à part et qui disent bon moi l'ordre Jedi est très peu pour moi, je garde le sabre, c'était gentil, et je garde les pouvoirs mais je vais faire mon petit chemin de mon côté. Donc je vois, j'aime bien Tai, et dès le début quand j'ai commencé à traduire, j'entends ça fait vraiment partie des personnages pour lesquels j'ai eu le moins de mal à traduire ces répliques, parce que je les entendais vraiment. T'as des personnages où tu peines à trouver leur voix, tu vois, dans ta tête t'as une espèce d'abstraction, t'entends pas vraiment la voix d'un acteur à la place, mais il y en a pour lesquels c'est plus facile que d'autres, et là Tai Yorick, ouais, ça a marché du tonnerre, quoi. C'était vraiment c'est elle qui dit eh ben mon cochon, c'est très précisément, enfin je vois la scène, quoi, dans ma tête, je la vois tout à fait en train de parler avec Elzarman, surtout dans ce moment-là qui partage, qui est assez particulier. Voilà, mais ouais, j'aime bien Tai Yorick aussi. Mais moi j'aurais du mal, tu vois, Adrien, il arrive à dire il y a 5 personnages que j'aime dans la Haute République. Je sais pas combien il y en a, moi. Ah non, il y en a plus, hein. Ouais, mais je il y en a plus, mais mes 5 préférés, quoi, je veux dire. Je pourrais pas les classer, je saurais pas te dire lesquels viennent en hein. Premier. Ouais, maintenant ça devient plus ça va, plus c'est dur. Mon classement est changeant. Je suis tout en même temps. Tu me rassures, parce que moi ce serait pareil. Si on me disait, si aujourd'hui je devais te sortir mes 5 préférés, ce serait pas les mêmes que demain ou qu'hier, quoi. Ouais, non, mais non. Moi, je sais lequel c'est le top 1. Allez, le top 2. Mais le reste, c'est tout mélangé. Mais moi, je sais qu'en haut, j'ai Belle et Stellan. Mmh. Et puis, par contre, tout le reste, ils sont juste super. Et puis, voilà, ça dépend de celui que je suis en train de lire sur le moment. Mais c'est fou parce qu'il n'y a pas un, en tout cas, parmi les romans adultes, les deux premiers romans adultes, Light of the Jedi et Rising Storm, je trouve qu'il n'y a pas un personnage qui est... C'est devant lequel tu te dis, oh, c'est mal écrit, tu vois. Il marche. Il y en a un qui m'a bien énervé dans Fallen Star, mais c'est fait exprès aussi. Oui, effectivement, je suis d'accord. Je crois que c'est le seul de tout le truc. Mais ça marche quand même, tu sais, il y a quand même c'est un personnage qui n'est pas là pour rien, tu vois. Non. Et puis il est là exprès pour te taper sur les nerfs aussi. Ouais, c'est ça aussi, tu vois. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, tous les personnages se valent et moi genre ça m'est jamais arrivé de... Enfin, tu vois, si par exemple demain on me disait que Linasso c'était son personnage préféré, bah je le comprendrais. Il n'y a pas un, tu te dis pourquoi lui, tu vois, parce qu'ils ont tous un intérêt au-delà du scénario, tu vois, ils ont tous un intérêt personnel et je comprends qu'on puisse en aimer certains plus que d'autres, quoi. Mais après, c'est ça qui est cool, c'est que ça reflète, voilà, nos attentes de spectateurs, quoi. Les personnages sont vraiment bien servis parce que à chaque fois, ils sont dans des bons livres, en fait, hein. Ça aide beaucoup à s'y attacher. C'est écrit de manière hyper fluide, je trouve. Et il y a un sens du rythme aussi. qui fait que il y a beaucoup de romans pareil qui m'exaspèrent parce qu'on voit trop certains personnages et on a trop le temps de s'attarder sur un tel ou un tel, et là c'est exactement le contraire, c'est-à-dire que les personnages passent très très vite dans des petites scènes, alors et plus ça va dans le roman suivant, c'est encore plus marqué, mais plus ils passent vite, quoi. Donc Orbaline, on sait par exemple que il a 3 scènes dans le bouquin qui sont vraiment vraiment importantes, quoi. Mais peut-être qu'on le reverra jamais, mais ces 3 scènes-là vont être vraiment marquantes parce que tout le personnage est ramassé dans ces scènes-là. Et comme l'intrigue de l'orage gronde, elle part vraiment tambour battant, il y a vraiment pas de moment il y a pas de répit à partir d'un certain moment, je dirais presque du premier quart du bouquin, ça commence à partir très très vite. On n'a jamais le temps de se dire ce serait bien de passer à autre chose, quoi, parce que ça va très très vite et on passe peu de temps avec chaque personnage. Et on en veut toujours plus. Bah oui. Ouais, c'est ça. Et du coup, au début, on voulait qu'on en parle, mais on en a pas trop parlé. Mais la grande révélation du livre, c'est ce l'égaliseur, The Leveler en VO, qui est cette créature qui était dans les cavernes de glace de Ristan, ou Ristan, je sais pas comment tu le prononces, toi, Sandy. Je me suis pas posé la question, c'est comme Mark Unruh au début, il y a des trucs, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, il y a des trucs, tu les entends avec une voix, et il y en a d'autres, ils sont simplement, tu vois le mot, quoi. Moi, je dirais Ristand, pour rester dans la continuité. Tu dis Alderand, tu dis Ristand. Ristand. Pourquoi pas. Et puis, cette créature qui tue Loden à la fin, qui fait trembler de panique Belle, qui fait se cracher Elzar. Moi, je trouve qu'elle est très, il est très Lovecraftien, en fait, l'égaliseur. C'est exactement ça. On le voit pas et indescriptible. Il est indescriptible. On l'aperçoit que par, c'est vraiment que des aperçus, des intuitions, des impressions. Et puis, en fait, une fois qu'on a le temps de comprendre ce qui se passe, ben, le mal est fait. Et il est vachement bien. C'est un péril qui est beaucoup plus intéressant, je trouve, que beaucoup de monstres qui sont surdécrits. Et alors que là, c'est pas ça. simplement le monstre, c'est pas simplement une apparence, c'est une malfaisance quoi. Et là, sa malfaisance, bah elle est sans équivoque quoi. Effectivement, à la fin, l'Oden il se fait vaporiser le pauvre. Donc le monstre est vraiment vraiment effroyable. Et à la fin, on se dit mais comment ils vont s'en sortir quoi. Je veux dire, si le machin est lâché contre eux, ils sont tous morts. On verra dans le prochain livre. Mais oui, la cuite au prochain épisode. C'est vraiment ça. Pour le coup, il nous laisse vraiment sur le moment le plus terrible. Ouais. Si tu crois que le pire est derrière, en fait, c'est ça qui est assez cool. Ouais, mais... avec ce livre-là, c'est que tu penses que c'est bon. Hein, le gros truc du livre, l'attaque de Valo et tout, c'est bon. Ça a été un massacre. Il peut pas y avoir pire. Ouais. La fin, c'est juste les Jedi qui vont gagner, quoi, pour donner bonne conscience à tout le monde et tout. Bah d'ailleurs, ouais, Fallen Star est une longue fête de triomphe, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a un titre déjà ? Non, parce qu'en fait on est passé par plein de titres différents et en toute honnêteté je sais pas lequel Lucille a choisi. Donc je peux pas vous dire, je peux pas vous donner le titre. Lequel t'es sûr que vous avez pas gardé ? Je sais plus. On a passé vachement longtemps parce que en général on s'appelle par MP et puis on essaie de brainstormer pendant longtemps. Donc là on avait une série de je sais plus, peut-être une dizaine de titres je sais pas lequel Lucille a choisi parce qu'à chaque fois on a et alors ce qui est très très bien c'est que Lucille et moi je pense qu'on n'a pas du tout c'est pas du tout les mêmes choses qui nous plaisent et c'est vachement bien parce qu'on sait que quand il y a un titre qui va nous plaire à tous les deux c'est que vraiment il est bon quoi. Oh là là, ça donne envie en tout cas. On a hâte de. En tout cas, vous entendez ici en premier, en exclusivité, ce ne sera pas l'étoile qui pète. Non. Encore que. <Voilà. rire> Et vous aviez d'autres. Quoi comme autre titre alors pour l'orage gronde je crois qu'on a dû passer à chaque fois j'essaie de faire passer un truc du style quand gronde l'orage ou tu vois pour qui gronde l'orage. Je peux t'avouer un truc, ouais. Je préfère. Ouais, bon voilà, je savais bien que je t'appréciais, voilà. Pour une bonne raison. J'espère que Lucie ne va pas mal le prendre, mais je trouve que l'orage gronde, c'est un titre que ben moi je trouve pas forcément. Ouais, c'est plus passe-partout, mais encore une fois, c'est dans la même logique, ouais. que d'avoir traduit The Leveler par l'Égaliseur, c'est de rester. Ouais, c'est plus facile, c'est plus, ouais, plus. On reste au plus près du. Ouais, on reste au plus près des termes d'origine. Mais, ouais, il y avait qu'en gronde l'orage, je sais plus, on a passé absolument tout le lexique météorologique. et on a eu plein de soucis parce qu'il y a des termes, par exemple, The Storm, qui est utilisé de deux façons différentes à partir du deuxième roman. Donc, donc ça nous a posé un petit peu problème à droite à gauche, mais bon, on a résolu ça par des pirouettes. Et je ne pense pas que ça se voit en français. Mais ouais, moi j'aurais bien aimé quand gronde l'orage, mais ça a un côté qui fait un peu trop mélo, qui fait un peu. Ouais, c'est drama, mais moi j'aime bien. Ouais, ça fait un peu titre de film français des années 50, tu vois, pour qui sonne ça, le glas. Oui, ça fait très français. Donc on embrasse d'ailleurs Lucille Gallio, hein, qui nous écoute peut-être. Ouais, on la remercie pour tout ce travail. J'espère pas après que Sandy ait dit autant de mal. Non, Lucille, c'est tout le respect, toute l'admiration que j'ai pour elle, parce qu'elle fait un taf énorme. Ouais, tout le temps dessus. Il faut savoir aussi que donc Lucille fait de la traduction et tout ce qui sort chez Pocket sous de Star Wars, Lucille le regarde, mais elle se contente pas de le regarder d'un œil, tu vois, elle dit pas en diagonale quoi, c'est vraiment, elle a vraiment à cœur la qualité de tout ce qui sort chez Pocket. Ouais, donc c'est on a vraiment de la chance d'avoir quelqu'un comme ça qui soit à la fois passionné et compétent pour diriger cette gamme. C'est ce que je disais la dernière fois, justement. C'est bizarre de voir à quel point on a de la chance d'avoir des passionnés comme toi, comme Lucille, sur des produits Star Wars aussi importants et aussi originaux et incroyables, quoi. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que je me rappelle quand on vous avait accueilli, toi et Lucille, Sandy, il y a maintenant quelques mois, hein, ça devait être au mois de mars, avril. Je sais plus du tout, j'ai pas la mémoire des dates, c'est incroyable. Il me semble que c'était ça. C'était pas en juin? Non, c'était plutôt Grushkov. Il est sorti quand? Il est sorti en mars. Il me semble. Ah non, t'as peut-être raison, en juin. Je sais plus. Enfin, c'était un moment, je me rappelle qu'on avait demandé à Lucille quand est-ce qu'elle allait sortir les prochains romans. Elle était là. Pour l'instant, il faut attendre encore un bon moment avant d'avoir la suite des romans de la Haute République parce qu'il y a d'autres trucs qu'il faut sortir avant et tout. Et c'est très drôle et je suis très heureux qu'elle ait eu tort parce que voilà, la Haute République a un petit peu surpassé tout ça et ça se vend très très bien. On est très heureux. Et finalement, la Haute République sort avec seulement 6 mois, voire moins de décalage par rapport aux States. Et encore une fois, merci à vous toute l'équipe, merci à toi Sandy, merci à Lucille, mais aussi merci aux traducteuristes de chez Panini, mais aussi à ceux de la Bibliothèque Verte, hein, qu'on remercie. Et c'est chouette de voir à quel point en France, pour Star Wars, le lire en français, c'est possible, et c'est possible finalement assez rapidement. Ouais, c'est beaucoup de travail aussi de la part de Lucille qui. Bien sûr, ouais, ça se voit. Encore une fois, c'est elle qui pousse au cul pour qu'on ait les romans en temps et en heure, tu vois, pour que ce soit traduit vite, parce que l'étape de la traduction finalement, c'est pas forcément ce qui prend le plus de temps, parce qu'après, t'as quand même la relecture, la maquette, etc., etc. Et résultat des courses, ça prend beaucoup de temps pour sortir un bouquin, donc ce qui est essentiel, c'est d'avoir le texte dès qu'il est finalisé, quoi. Donc c'est le combat de tous les instants de Lucille qui est vraiment au taquet pour ça. Nous, on l'applaudit tous les soirs à 20h d'ailleurs. Oui. Je tire une salve de blaster depuis la fenêtre de mon bureau. C'est si beau. Faut regarder si vous êtes dans le coin. Ouais. Si vous passez à Toulouse. Et du coup, Sandy, je sais pas si on va conclure maintenant, mais est-ce que tu peux nous dire d'ores et déjà si tu travailleras sur la phase 2 de la Haute République? J'espère. Alors, il y a de grandes chances, si Dieu nous prête vie, il y a de grandes chances que je travaille sur la suite, ouais, et je pense. Jusqu'ici, tout va bien. Je pense qu'on a, on voit déjà arriver un peu le planning justement de la suite. Et je sais que vers la fin de l'année, on aura très vraisemblablement le début de la phase 2. Donc quoi, il y a vraiment de grandes chances, ouais. Super. Ça c'est cool. C'est très très cool. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur l'orage gronde, Sandy, que ce soit sur l'histoire, quelque chose qui t'a particulièrement marqué, quelque chose dont on n'a pas parlé et que tu voulais l'aborder? Non, j'ai bien révisé le roman avant de venir, donc là on a coché toutes les petites cases de ma petite liste. Non, ça c'est super. J'ai beaucoup aimé le roman, et effectivement c'est assez rare parce que, alors ça va vous épater peut-être, mais je lis très très peu en fait de fiction, et encore moins de fiction Star Wars, donc c'est vachement difficile de me faire plaisir parce que je suis vraiment un chieur, et là ça fait vraiment partie des très très bons romans que j'ai apprécié parce que j'y retrouve vraiment le souffle épique de ce qu'on vivait au cinéma dans les années 70 et 80 pour la première trilogie, quoi. Là je retrouve vraiment, je serais incapable de vous donner le nom des personnages des comics Star Wars ou des romans Star Wars que j'ai lus avant, mais par contre je sais que voilà, des personnages comme Elzarman, comme Avar Kriss, comme Belzetifar, là c'est des personnages qui vont m'accompagner pendant très très longtemps, que je suis pas prêt d'oublier, quoi. D'ailleurs le simple fait même quand je les traduis. Hein. Le simple fait que je me rappelle leur nom, c'est assez symptomatique. C'est rare, c'est rare qu'ils m'accompagnent si longtemps que ça, quoi. Voilà. Donc, la Haute République, c'est bien. Il faut le lire. Voilà. Merci beaucoup. C'est une super conclusion. Très très bien. Adrien, toi, est-ce que tu as des choses pareilles que dont tu voulais parler et qu'on n'aurait pas touché, ou juste un petit truc, un moment préféré, un moment que tu n'as pas aimé. C'est compliqué, mais vraiment. Quand je pense à ce livre, j'ai surtout cette scène avec, enfin ce passage avec Belle qui sauve des personnes sur un vaisseau que je trouve très beau. J'allais le dire. J'aime beaucoup. C'est un truc qu'il y a surtout dans celui-là et dans celui d'après, le côté héroïque, mais et c'est un héros à petite échelle, mais à chaque fois, tu sais, il est un peu dans son coin, Belle, et mais juste il fait, il protège les gens et tout. Il a son, il est toujours très touchant parce que les auteuristes le mettent vraiment toujours plus bas que terre. Ils lui font baver comme c'est pas permis à chaque fois. Mais à chaque fois, il se relève et il perd jamais le nord. Et c'est pour ça que c'est mon préféré. C'est encore un enfant. C'est pas encore un vrai chevalier Jedi, mais il en a déjà toute l'étoffe, et c'est super cool à voir. Il y a énormément de Padawan dans cette première vague de cette première phase de la Haute République, et ils se distinguent tous à leur manière, et j'aime beaucoup Belle en particulier, quoi. Donc merci Adrien, parce que je voulais en parler. Et ben je t'en prie. Juste aussi, je voulais dire que si vous n'avez pas lu le livre et que si vous avez écouté, du coup, vous a spoilé, désolé. Mais aussi, c'est un livre qui, je pense, plaira à beaucoup de monde, parce que il y a beaucoup beaucoup de lore, énormément de lore. On sent que Kevin Scott s'est fait plaisir. C'est un gros nerd. Cool. Ouais, c'est vraiment. C'est vraiment un giga nerd. Kevin Scott, immense nerd, et vraiment. C'est cool parce que moi, à la base, c'est pas trop. Enfin, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, de savoir que la race du Didis a été réduite en esclavage par les Sith il y a très longtemps. Mais en fait, non, j'ai bien aimé. Donc c'est vraiment stylé. C'est cool, une petite perspective pour peut-être d'autres œuvres à voir. Et du coup, pour finir, toi, tu qui d'autres choses dont tu voudrais parler avant qu'on finisse ou pas? J'ai rien qui me vient là, mais puisqu'on en parlait, moi, mes préférés, c'est Elzar et Markion. Allez. Mais sinon, ouais, ils sont, comme je disais, le livre rend tous les personnages super intéressants et attachants, et c'est vraiment trop bien d'avoir cet univers-là dans lequel se plonger. Ça fait vraiment, vraiment du bien d'avoir un Star Wars qui est aussi bon, quoi. Et en plus, il y a des LGBT, il y a tout ce qu'il faut, il y a vraiment tout ce qu'on peut aimer dans Star Wars est condensé là-dedans. Et j'adore le fait qu'ils se permettent plein de choses, comme par exemple tous les trucs de Thirst sur Markion qui sont dans les livres, tous les trucs comme ça. Je trouve ça génial, c'est genre, oui, il est des nôtres, Kavan, on a vu. Mais voilà, je viens à peine de commencer Fallen Star, et j'ai vraiment hâte de continuer à me plonger dans l'univers de la Haute République. Très bien. Eh bien, c'était notre review complètement avec spoilers de L'Orage Gronde, avec Sandy Julien qui nous fait encore une fois l'honneur d'être là, et qu'on fera revenir pour notre review spoiler de Fallen Star, parce que avec plaisir. On doit le faire. et on a hâte d'en discuter avec toi en juin. Ce sera la sortie de celui-là, donc on se retrouve en juin. En attendant, que la force soit avec vous, et évidemment, nous sommes tous la République. Eh oui. Ciao. Ciao, ciao. Salut. Bye.